إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans l'explication de notre livre عقيدة أهل السنة والجماعة et le شرح de Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen de ce livre. Et on a expliqué, on est toujours dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et les questions qui ont rapport avec les noms et les attributs. Et on lit les versets qui ont rapport avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment, on a au dernier cours, on a terminé d'expliquer Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc la signification de ces deux noms-là, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Maintenant, on continue la lecture donc du verset 22, des versets 22 et 24, ou 22, 23, 24, dans Surat al-Hashr, et on est arrivé à l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, il mentionne d'autres parmi ses noms. Donc on lisait hier, « Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu al-malik al-quddus al-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir » Donc ça c'est une énumération de plusieurs d'entre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on va lire maintenant la signification de ces noms-là en arabe, hein, et la traduction. Par la suite on va traduire chaque définition et chaque explication en français. Donc ce sujet-là c'est très important, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que on a besoin tous de connaître Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir bien l'adorer et pour pouvoir croire en lui correctement. Et le fait de connaître ses noms et de connaître ses attributs, c'est ce qui nous permet justement de connaître notre Créateur, de pouvoir justement pour pouvoir plus l'aimer et pour pouvoir le craindre et pour pouvoir l'adorer comme il demande, hein. Donc ça c'est fondamental et c'est nécessaire. Le Cheikh il dit, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلزي وقوله الملك أي ذو الملك المتضمن للسيطرة الكاملة والسلطان التام، ولهذا كان الملك أقوى من المالك، والأصل في الملك أن يكون ما في والأصل في الملك أو في والأصل في الملك أن يكون مالكا، لكن قد يكون ملكا بلا ملك، قد يكون ملكا بلا ملك. أما المالك فهو مالك ولكن ليس بمالك أو ليس بمالك. Donc le cheikh il explique ici que الملك c'est comme dans sourate al-Fatiha, مالك يوم الدين. On peut dire مالك يوم الدين, on peut dire مالك يوم الدين. Il y a deux lectures, hein. Et ici c'est Al-Malik. Al-Malik ça veut dire le roi, le souverain, hein. Et le cheikh il dit que Al-Malik c'est Zul-Mulk. Zul-Mulk c'est-à-dire celui qui détient le royaume, qui détient la souveraineté et qui comprend ou qui implique le pouvoir total et le contrôle absolu et l'autorité absolue, hein, l'autorité absolue. Et il dit, et c'est pour cette raison-là que le terme ou le nom Malik est plus fort que Malik. Le terme Malik est plus fort que Malik. Parce que la différence entre les deux, c'est quoi? Malik, c'est le roi, et Malik, c'est le propriétaire, celui qui possède, hein, Yamlik. Donc, il dit que le terme Malik, il est plus fort que le terme Malik. Et il dit que la base, c'est que le roi soit propriétaire en même temps aussi. Parce qu'en général, le roi, c'est lui le propriétaire. Sauf que c'est possible qu'un roi ne soit pas propriétaire. Hein? Parfois, quelqu'un peut être un roi, mais il n'a pas de royaume. Peut-être qu'il a, soit qu'il a été, disons, il est en exil, hein? Ou bien il est quelque part ailleurs, on l'a détrôné, ou bien quelque chose comme ça. Il est roi, mais il n'a pas de royaume, ou il n'a pas de pouvoir ou d'autorité. Il dit, mais tandis que le propriétaire, c'est celui qui possède quelque chose, qui est maître de quelque chose, mais qui n'est pas nécessairement roi. D'accord? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est Malik et Malik, les deux ensemble. Et il dit, وَلِهَذَا قُرِئَ فِي الْفَاتِحَةِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ لِيَجْمَعْ بَيْنَ الْمُلْكِيَّ وَالْمَلَكِيَّ بَيْنَ الْمُلْكِيَّ وَالْمَلَكِيَّ. Donc, on récite dans le Fatiha, il y a les deux récitations, il y a les deux lectures, مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ, pour dire celui qui est le maître, hein, le propriétaire, le maître, le détenteur du jour de la rétribution, et également le roi du jour de la rétribution. Donc ça comprend, ça implique les deux significations, la signification de la royauté et la signification de la propriété, du fait d'être propriétaire et d'être maître. L'autre nom qui est mentionné après, Al-Malik Al-Quddus. القدوس الشيخ الذي قوله القدوس معناه الطاهر من كل أذى عز وجل فهو سبحانه الطاهر عن كل عيب وكل نقص وهو بمعنى السلام أو قريب منه. Donc le cheikh il dit القدوس, ça veut dire le pur, hein? Le pur de celui qui est pur de toute nuisance, hein, ou de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui peut nuire. Donc celui qui est pur, purifié et pur de tout ce qui est nuisible. Et c'est traduit dans la traduction de Dar es-Salam. Eux ils disent le sanctifié. Hein? Al-Quddus, ils disent le sanctifié. Bon. On va voir. Parce qu'après, il dit le pur. Donc, c'est comme s'il y a une inversion ici. Le sanctifié, le pur. Alors qu'en réalité, ça devrait être le pur, comme étant Al-Quddus, le pur, et As-salam, yani on va voir qu'est-ce que ça signifie, as-salam. Je pense qu'ils ont mal traduit dans la traduction de Dar es-Salam, ils ont mal traduit ce verset. On va voir dans la traduction de l'imprimerie de Malik Fahad, est-ce que la traduction est différente. Donc, surat al-Hashr. On est maintenant au verset 23. Naam. Donc, ici, on voit que la traduction est plus exacte. Puisqu'il dit le souverain, Al-Malik, et Al-Quddus, le pur. Tu vois? Donc, Al-Quddus, c'est le pur. Ok? Le cheikh, il explique donc ensuite que il dit فهو الطاهر عن كل عيب وكل نقص وهو بمعنى السلام أو قريب منه. Donc il dit que c'est celui qui a été purifié de tout défaut, et de toute déficience ou de tout manquement, et c'est dans le même sens que as-salam, hein, ou proche de cette signification-là. Et as-salam, c'est le prochain, c'est le nom suivant qui est mentionné dans le verset. Donc on va expliquer as-salam, qu'est-ce que ça signifie. Il dit wa qawluhu as-salam يعني السالم من كل نقص حقيقي أو متوقع أو وهمي يعني سالم من كل نقص لا في الحاضر ولا في الغائب ولهذا كان أخص من القدوس وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون في التشهد السلام على الله السلام على الله من عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على كذا وكذا وفلان وفلان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله من عباده لأن الله هو السلام وأنت إذا قلت السلام على الله فمعناه أن الله قد يعتريه النقص وهذا مستحيل ولهذا لو قال إنسان السلام على الله قلنا لا تقل هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل هو السلام. Donc le cheikh il explique que السلام ça signifie celui qui est exempté de tout défaut, de toute imperfection, hein, de toute faiblesse réelle ou réel ou anticipé ou supposé, hein, ou bien imaginaire ou illusoire, c'est-à-dire celui qui est exempt de toutes les formes de manque, de déficience ou d'imperfection dans le qu'est-ce qui est présent et dans qu'est-ce qui n'existe pas ou dans qu'est-ce qui est absent aussi. Et il dit, le cheikh, que c'est pour cette raison-là que ce nom-là, il est plus spécifique que Al-Quddus. Ce nom-là est plus spécifique que Al-Quddus, dans le sens que Al-Quddus, il est celui qui est purifié de tout défaut et de toute imperfection ou de toute déficience ou de tout manque. Et tandis que As-Salam, c'est celui qui est exempt de toute imperfection réelle ou non. Hein? Et que ce soit présent ou non. Donc c'est plus spécifique que Al-Quddus. Et il dit que les Sahaba, des fois, quand ils faisaient le Tashahhud, certains d'entre eux avaient l'habitude de dire As-Salamu ala Allah. C'est-à-dire que, en voulant dire que la paix soit sur Allah dans le sens. Que Allah soit exempté de tout mal, qu'il soit purifié de tout mal, ou qu'il soit éloigné de tout mal, de toute imperfection, de la part de ses serviteurs. Donc, As-salamu ala Allah min ibadihi. Il disait As-salamu ala Jibril, As-salamu ala Mikail, As-salamu ala kaza wa fulan wa fulan. Donc le cheikh il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu aux sahaba en disant ne dites pas As-salam Allah min ibadihi. Ne dites pas que Allah soit exempté de tout mal ou qu'il soit exempté de toute imperfection de la part de ses serviteurs. Pourquoi? Parce que Allah, c'est lui, As-Salam. Il est As-Salam lui-même. Et si tu dis As-Salam Allah, c'est comme si Allah pouvait être touché par un mal ou par une imperfection ou quelque chose de ce genre. Et ça, c'est impossible. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être touché par une imperfection quelconque ou par un tort quelconque ou un mal quelconque. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne dites pas as-salam à Allah, parce que c'est Allah qui est as-salam. Hein? Et si une personne disait as-salam à Allah, on lui dirait ne dis pas ça, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parce que c'est Allah qui est as-salam. Après, le cheikh il a dit wa qawluhu al-mu'min. Donc il explique le nom suivant. Hein? Le nom suivant dans le verset, Al-Malik al-Quddus al-Salam al-Mu'min. Donc Allah, un de ses noms, c'est Al-Mu'min. Al-Mu'min, ça, si tu le traduis quand on l'utilise par rapport aux musulmans, on dit c'est le croyant. Al-Mu'min, c'est le croyant. Mais quand on l'utilise par rapport à Allah, c'est pas la même signification. On va voir donc qu'est-ce que ça veut dire. Donc As-Salam, dans la traduction en français, le verset 23 dans Sourate Al-Hashr, il est traduit par Al-Quddus As-Salam, l'apaisant. On voit que donc l'apaisant, c'est pas réellement le vrai sens de As-Salam. As-Salam, c'est pas l'apaisant. C'est celui qui est exempt de toute imperfection et de tout défaut. As-Salam, c'est ça. Yani, c'est As-Salim, dans le sens de As-Salim. As-Salam, dans le sens de As-Salim. As-Salim min kulli naqs. As-Salam, dans le sens de, d'être celui qui est exempté et qui est sauf de, qui est sauf de toute imperfection et de tout défaut. Oui, As-Salam dans le sens de Salim. As-Salim, oui. C'est-à-dire que Salam, c'est dans le, en arabe, tu dis Salam, mais il est employé par rapport à Allah dans le sens de As-Salim. Ça veut dire quoi, As-Salim? Comme par exemple, si une personne qui est malade, en arabe on dit, il est marid. Hein? Et celui qui est pas malade, on dit salim, c'est-à-dire il est exempt de toute maladie, d'accord. Donc le cheikh ici, quand il dit qawluhu as-salam, yani as-salim, yani as-salimu min kulli naqsin haqiqi ou mutawakka ou wahmi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est as-salam dans le sens qu'il est as-salim, il est épargné et sauvé et exempt de tout défaut, de toute maladie, de toute faiblesse, de toute imperfection, de tout défaut. Hein? Il est le parfait. Le cheikh, il dit ensuite, attends, je vois dans la traduction de Dar Salam, ils l'ont traduit par yani le rassurant. Le rassurant, mais c'est pas la bonne Al-Mu'min. Non, ça c'est Al-Mu'min. Le pur, ils ont traduit As-Salim par le pur. Donc c'est pas la bonne traduction. Et le Al-Mu'min, ils l'ont traduit par le rassurant. On va voir qu'est-ce que le cheikh il explique par rapport au nom de Al-Mu'min. Cheikh il dit qawluhu al-mu'min laha ma'nayan. Al-awwal annahu yu'minu min 'adhabihi man la yastahiqqu al-'adhab. Fa mu'minun bima'na mu'ammin. Mu'minun bima'na mu'ammin. والثاني المؤمن المصدق لرسله قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق وللمؤمن إذن معنيان فالأول من الأمان أي يؤمن فيقال آمنه أي أمنه والعباد يدعون الله فيقولون اللهم آمنا في أوطاننا آمنا في أوطاننا فهو سبحانه مؤمن يؤمن من شاء من عذابه والثاني المؤمن يعني المصدق قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا وهذان الوصفان كلاهما حق لله تعالى فهو تعالى يؤمن من شاء من عباده وهو سبحانه وتعالى مؤمن بالحق مصدق به مؤمن برسله مؤمن بكل حق عز وجل لأن الله تعالى يقر الحق ويبطل الباطل. Donc le cheikh il explique que al-mu'min il a deux sens. Le nom d'Allah al-mu'min il a deux sens. Le premier c'est al-mu'min dans le sens de al-mu'ammin. Al-mu'ammin c'est-à-dire celui qui rassure. Celui qui rassure les croyants. Donc ici dans la traduction de Dar al-Salam ils ont dit le rassurant. Ça c'est correct. C'est un des sens du nom d'Allah al-Mu'min. Et dans la traduction de Malik Fahd, rahimahullah, ici il dit le rassurant aussi. Donc c'est une traduction qui est correcte parce qu'elle donne un sens qui est parmi les deux sens de ce nom-là. Al-Mu'min, le rassurant, celui qui est mu'ammin en arabe, mu'ammin, c'est-à-dire il rassure, hein? C'est-à-dire qu'il rassure celui, il rassure celui qui ne mérite pas le châtiment, hein? Il le rassure de contre son châtiment, dans le sens que, yani, si c'est un croyant, il va le rassurer. Il va, pour qu'il n'ait pas peur, pour qu'il ne soit pas châtié ou pour qu'il ne soit pas dans la crainte du châtiment au jour de la résurrection. Il va le rassurer. Et la deuxième signification de al-mu'min, c'est celui qui croit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il croit en ses messagers. Il croit en la véracité de ses messagers, puisque c'est lui qui les a envoyés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala était dans le verset 17 dans sourate Yusuf, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا. Les frères de Yusuf, ils ont dit à Jacob, Yaqub, leur père, en voulant dire, tu vas pas nous croire. C'est-à-dire, même si on te dit la vérité, tu vas pas nous croire. Et le terme qui est employé pour dire tu vas pas nous croire, c'est le terme bimu'min. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا. Hein? Si tu regardes dans le verset, dans Surat Yusuf, le verset dans Surat Yusuf, c'est 17. Hein? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, oh mon père, nous sommes allés faire une course et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets. Le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. Tu vois, ils sont en train de mentir. Puis ils disent à leur père, tu ne nous croiras pas. Donc ils savent déjà que leur père va pas les croire. Mais il leur dit ça pour faire croire à leur père qu'ils ne mentent pas. Mais le cheikh, il donne cet exemple-là pour donner le sens linguistique de qu'est-ce que signifie mu'min. Utilisé de cette façon-là. Utilisé dans ce contexte-là. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا. Ensuite, le cheikh dit فَلِ الْمُؤْمِنِ إِذَنْ مَعْنَيَانِ. Donc, on a dit que al-mu'min a donc deux significations. Le premier, c'est la sécurité, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il rassure le croyant. Et donc, on dit en arabe amanahu et ammanahu, c'est-à-dire de rassurer quelqu'un, de le sécuriser. Et les serviteurs, lorsqu'ils, les musulmans, ils font des invocations, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent oh Allah, donne-nous la sécurité, hein, et rassure-nous dans nos contrées, dans nos pays, dans les endroits où on vit. Dans leur doua, ils disent ça des fois. Aminna. Aminna, c'est-à-dire sécurise-nous. Yani, rassure-nous. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-mu'ammin. Yu'amminu man sha'a min azabihi. Il va sécuriser et rassurer qui il veut et protéger qui il veut contre son châtiment. Et la deuxième signification, c'est celui qui croit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui croit. Donc ces deux définitions là, ou ces deux descriptions là, sont vraies, hein? Et les deux s'appliquent à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est celui qui sécurise qui il veut parmi ses serviteurs, et il est celui qui croit en la vérité, hein, et qui reconnaît la vérité. Il croit en ses messagers et il croit en tout ce qui est vrai, et il confirme la vérité et il détruit le faux. Après, l'autre nom suivant, le nom qui est mentionné, le nom suivant dans le verset, c'est Al-Muhaymin. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Muhaymin. Ce nom-là est traduit dans la traduction de Dar Salam par le terme l'observateur. Ça, c'est pas une traduction qui est exacte. Et dans la traduction de Al-Malik Fahad, rahimahullah, il dit, Al-Muhaymin, le prédominant, l'observateur. Donc c'est loin cette traduction-là. Je ne sais pas comment ils sont venus avec cette traduction-là. En tout cas, Al-Muhaymin, c'est, comme on vient de le mentionner, le prédominant. Et le cheikh il dit, وقوله المهيمن أي ذو السيطرة والحكم على كل من عداه فهو مهيمن على كل شيء على كل ما عداه فهو مهيمن على كل شيء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ومن ذلك قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ولهذا كان كتاب الله عز وجل القرآن ناسخا لكل ما سبقه من الكتب. Donc le cheikh il dit que al-muhaymin en arabe ça veut dire ذو السيطرة والحكم, c'est-à-dire celui qui a l'autorité, le contrôle et le jugement sur toute chose, hein, sur tout ce qui est autre que lui. Et donc, Muhaymin, Allah subhanahu wa ta'ala, il est Muhaymin sur toute chose. Il a le contrôle, il est prédominant sur toute chose. Il fait ce qu'il veut et il juge comme il veut, hein. Et parmi les exemples de la signification de Al-Muhaymin, le Cheikh il donne le verset 48 dans Sourate Al-Ma'ida, verset 48 dans Sourate Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala emploie le terme Muhaymin pour décrire le Coran. Et il dit dans le verset wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa muhayminan 'alayhi. Ça veut dire, nous avons fait descendre le livre sur toi avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Wa muhayminan alayhi. Muhayminan, c'est-à-dire pour avoir le dessus sur lui. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran en toute vérité pour confirmer les livres précédents, la Torah et l'Injil, et pour avoir le dessus sur eux. Le dessus sur la Torah et le dessus sur l'Injil. Donc ça c'est un exemple de la signification du terme Al-Muhaymin. Et le cheikh il dit que le cheikh il dit que c'est pour ça que le Coran il est abrogeant. C'est-à-dire, il vient abroger tout ce qui est révélé auparavant. Tout ce qui a été révélé avant. Ensuite, le cheikh, il mentionne l'autre nom qui est mentionné dans le verset, c'est Al-Aziz. وقوله العزيز يعني الغالب لكل ذي قوة فلا أحد يغلب الله عز وجل بل قال الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز فهو عز وجل عزيز لا يغلب فهو الغالب فهو ذو العزة والعزة هي العزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع فهي ثلاثة أنواع. Donc le cheikh il dit que Al-Aziz c'est un autre parmi les noms d'Allah et il est traduit par dans Dar Salam il est traduit par le Tout-Puissant. Et en général, c'est la traduction qui est utilisée pour Al-Aziz, c'est le Tout-Puissant. Et dans la traduction de Malik Fahad, c'est la même chose, le Tout-Puissant aussi. Donc Al-Aziz, c'est traduit par le Tout-Puissant. Et le Cheikh, il dit, Al-Aziz al-Ghalib li kulli dhi quwwa. Ça veut dire que Al-Aziz, en arabe, c'est celui qui a le dessus sur tout ce qui possède une force quelconque. Et qu'il n'y a personne qui peut avoir le dessus sur Allah Azza wa Jal. Donc c'est lui le Tout-Puissant. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 21, dans Surat Al-Mujadala, كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ. On va lire donc la traduction de ce verset, verset 21. Allah a prescrit, hein, assurément, je triompherai, la arliban, je vais avoir le dessus, hein, sur tous les opposants, moi ainsi que mes messagers. En vérité, Allah est fort et puissant. Inna Allah qawiyun, qawi ça veut dire fort, aziz, aziz ça veut dire puissant. Donc ici c'est ça la signification et il dit que donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui celui qui est puissant, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être battu, qu'il ne peut pas être vaincu, qu'il ne peut pas celui contre qui on ne peut pas avoir le dessus. Et c'est lui qui a le dessus, c'est lui le vainqueur, le conquérant, celui qui a le dessus sur tout, sur toute personne et sur toute chose. Et quand on dit que il est Al-Aziz, ça veut dire celui qui possède Al-Izza. Al-Izza, c'est la puissance. Et il y a trois sortes de Izza. Hein, quand on mentionne la Izza d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a trois sens à ça. Izzatul Qadr, wa Izzatul Qahar, wa Izzatul Imtina. Et là, on va voir les trois, qu'est-ce qu'elles signifient, chacune d'entre elles. Le Cheikh, il dit, awwalan, عزة القدر يعني عزة الشرف والسيادة وما أشبه ذلك فالله أعز من أن يكون عزيزا في قدره وشرفه وكماله فلا أحد أشرف منه فالله أعز من يكون عزيزا في قدره وشرفه وكماله فلا أحد أشرف منه ولا أعظم منه ولا أعظم منه قدرا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله السيد الله هو الذي له السيادة المطلقة وسيادته ذاتية عز وجل. Donc la première signification, on a dit la première signification de al-izza, c'est izzatul qadr. Izzatul qadr dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il a la puissance dans l'estime et dans la valeur, dans l'estime et dans yani, comment je pourrais dire, al-qadr, yani, l'estime qu'on a de lui dans sa noblesse et dans le fait qu'il est yani, le maître absolu de toute chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a personne qui a plus de respect, qui a plus d'honneur ou de perfection que lui. Personne n'est plus noble que lui. Personne n'est plus grand que lui en valeur et en force et en estime. Et c'est pour ça qu'on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-Sayyidullah. As-Sayyidullah, c'est-à-dire le maître, c'est Allah. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le maître absolu de toutes choses. Et sa puissance et sa souveraineté et sa maîtrise est fait partie de son être. C'est quelque chose qui fait partie de lui. Deuxièmement, izzatul ghalabati wal qahr. Fa huwa ghalibun li kulli shay'in, qala Allah ta'ala. وتعز من تشاء وتذل من تشاء أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب فالذليل مغلوب والعزيز غالب. Donc le cheikh il explique que la deuxième signification de al-izza c'est izzatul ghalaba wal qahr. C'est qu'est-ce qu'on a expliqué, le fait qu'il a la puissance dans le sens qu'il est celui qui a le dessus et qui est contraignant, qui a la force absolue et la contrainte sur toute chose. Donc c'est lui qui a le dessus sur tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit dans le verset 26 dans sourate Al-Imran, tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. C'est-à-dire tu peux donner la puissance à qui tu veux et tu peux humilier et rabaisser qui tu veux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui élève et c'est lui qui rabaisse. Hein? C'est lui qui élève qui il veut et qui rabaisse qui il veut. Donc dans le verset 26 dans sourate Al-Imran, le verset dit dit ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu l'arraches à qui, tu arraches l'autorité à qui tu veux. Tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main et tu es omnipotent. Donc il donne l'izza à qui il veut et il humilie qui il veut. Et le cheikh il dit donc que al-dhalil, c'est celui qui est écrasé, qui est celui contre qui on a le dessus. Et Al-Aziz, c'est le Tout-Puissant, celui qui a le dessus sur tout. Allah subhanahu wa ta'ala, et donc, il a le dessus sur tout. Personne ne peut s'opposer à lui. Personne ne peut s'opposer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'explique ensuite, il dit وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنِ الْمُنَافِقِينَ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ويعنون بالأعز أنفسهم وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فقال الله تعالى مكذبا لقولهم ولله العزة ولرسوله يعني ولم يقل الله تعالى والله أعز لأنه لو قال ذلك لأوهم أن للمنافقين عزة ولكنها أضعف من العزة الأخرى ولكن المنافقين لهم عزة والغريب أن المنافقين أذل من الكافرين لأن الكافر يصرح بأنه كافر ولا يبالي أما المنافق فهو ذليل يستتر ويقول إنه مؤمن خوفا من القتل والمنابذة وهو كاذب فصار المنافق أذل من الكافر لأنه منافق ولذلك لا عزة له قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. Donc, ok, 17, ça veut dire 5 heures. Ok, d'accord. Donc, je regardais l'heure, parce qu'il fait tellement sombre dehors aujourd'hui, on dirait que c'est déjà le coucher de soleil. Subhanallah. Donc, le cheikh, il dit, na'am, donc parmi les exemples de ça, il y a le verset 8 dans Surat al-Munafiqoun, hein, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala relate la parole des munafiqin, hein, lorsqu'ils disaient, hein, ils disent, les hypocrites ont dit, si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble ou le plus humilié. Hein? Et il dit, or, c'est à Allah qu'appartient la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas. Le cheikh, il explique ici que, ils disent, lorsqu'on retournera à Médine, on va faire sortir, hein, le plus puissant va faire sortir le plus faible, hein, le plus bas, le plus rabaissé. Le plus puissant, il parle de lui-même, hein, l'hypocrite, c'était Abdullah ibn Ubay ibn Saloul et ceux qui étaient avec lui. Et le plus humilié ou le plus bas, il parle de qui? Du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Donc ils disent, quand on va revenir à Médine, on va faire sortir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, et c'est moi qui sera le puissant, c'est moi le puissant, puis c'est lui qui sera rabaissé ou humilié. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a démenti dans le verset par la suite en disant, وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Mais c'est à Allah qu'appartient à l'izzah, la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas répondu en disant Allah est plus puissant, parce que ça aurait fait croire ou ça aurait donné l'impression que les hypocrites ont une puissance quelconque, mais en réalité ils sont plus faibles, hein? Ils ont pas de puissance du tout. Et c'est pour ça que Allah a dit, c'est Allah qu'appartient la puissance, ainsi qu'au messager, à son messager et aux croyants. Il dit, mais les hypocrites n'ont pas de puissance du tout. Et qu'est-ce qui est surprenant, c'est que il dit le cheikh que l'hypocrite, il est plus humilié et plus bas que le mécréant, c'est-à-dire celui qui est clairement mécréant. La raison de ça, c'est parce que le mécréant, lui, il dit ouvertement qu'il est mécréant. Et il pense pas aux conséquences. C'est-à-dire, peu importe les conséquences, il dit, moi, je suis pas croyant. Je rejette la foi. Donc, il est ouvert. Il dit ouvertement sa mécréance. Tandis que l'hypocrite, il se cache, il est humilié, il est rabaissé. Hein? Il dit, je suis croyant parce qu'il a peur. Hein, soit de la mort, ou soit d'être poussé, ou soit d'être rejeté. Donc c'est un menteur, hein. Et donc l'hypocrite, il est plus bas que le mécréant, il est plus bas que le kafir. Pourquoi? Parce qu'il est hypocrite, il n'a aucune fierté, aucune puissance. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Et c'est à Allah qu'appartient la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Et la troisième signification de Al-Izzah que le Cheikh a mentionné, c'est Izzatul Imtina'. Izzatul Imtina'. Et annahu ta'ala yamtani'u alayhi kullu naqsin wa aib. Et fi haqqillahi azza wa jal. Ma'khuzatun min qawlihim. أرض عزاز أي القوية الصلبة، أما الرمل فهو لين، إذن فالله تعالى له العزة بالمعاني الثلاثة. Donc le cheikh il dit comme troisième signification de al-izzah, c'est izzatul imtina', c'est-à-dire la puissance de l'empêchement, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire c'est impossible pour lui, ou on doit absolument empêcher d'attribuer ou de dire à propos d'Allah toute chose qui serait une déficience ou un manque quelconque ou un défaut à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout défaut, toute faiblesse, toute imperfection est interdite, hein, à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est dans ce sens-là, l'imtina', c'est qu'est-ce qui est interdit, hein, d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici le sens, c'est dans le sens de, ici dans le sens de, yani de qu'est-ce qui est pas, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'affirmer, ou qu'est-ce qu'on n'a pas le droit plutôt d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala comme imperfection ou défaut ou quoi que ce soit de ce genre. Tout ça c'est yani c'est des choses qu'on n'a pas le droit d'attribuer à Allah. Et il dit que c'est pris de la signification du mot azazun, comme on dit une terre, hein, une terre qui est dure, hein, azazun yani al-qawiyya as-salba, tandis que le sable il est layyin, il est doux, il est mou, hein, il est pas dur. Donc izzatul imtina, c'est dans ce sens là de la dureté et de la fermeté. Il dit idhan fallahu lahu al-izzatu bil ma'ani ath-thalatha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a al-izza dans ces trois sens là izzatul qadr wa izzatul ghalaba wal qahr wa izzatu yani al-imtina. L'autre nom qui est mentionné par la suite, c'est Al-Jabbar. Al-Jabbar. Allah subhanahu wa ta'ala huwa Al-Jabbar. Le nom qui est utilisé, la traduction qui est dans la traduction de Dar al-Salam, Al-Jabbar, ils l'ont traduit par le fier. Mais ça, c'est pas la vraie signification. Ils ont écrit le fier. Peut-être qu'ils voulaient dire le fier, l'orgueilleux. C'est comme par exemple le mot Quddus, Al-Quddus. Je pense qu'ils l'ont traduit par les deux noms, le sanctifié et le pur, Al-Quddus. Donc ils ont voulu utiliser deux noms pour exprimer la signification. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc ils ont utilisé deux noms pour exprimer la signification de Al-Quddus. Al-Quddus, Salam, Al-Mu'min. C'est ça, ils ont résumé certains noms par d'autres. Tandis que le fier, ça c'est pas du tout la signification de Al-Jabbar, mais c'est plutôt de la signification de Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir, yani l'orgueilleux et le fier. Tandis qu'Al-Jabbar, ils l'ont peut-être expliqué par le puissant, le tout-puissant, avec Al-Aziz. Mais dans la traduction de Malik Fahad, ils l'ont traduit en disant yani le contraignant. Al-Aziz ou Al-Jabbar. Al-Jabbar, ils l'ont traduit par le contraignant. Et ça, c'est plus proche de la signification de Al-Jabbar. Maintenant, Cheikh Ibn Uthaymin, il explique ça. Ce nom-là, il dit قوله الجبار يعني الجبار صيغة مبالغة من الجبر والجبر له ثلاث معان: جبر بمعنى الجبروت، وجبر بمعنى الجبر الكثير، وجبر بمعنى العلو. فالأول من الجبروت وهو القوة والعظمة وما أشبه ذلك، والثاني من جبر الكثير، فكم من كثير جبره الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى جبار لكل كسر. ومن العلو وهو المعنى، وهذا المعنى قد يكون غريبا، يعني إذ كيف يكون الجبر من العلو؟ وقال ابن القيم رحمه الله في النونية إنه مأخوذ من قولهم من للنخلة الطويلة، هذه نخلة جبارة أي طويلة، والعلو لا شك أنه من صفات الله، وإذا كان قد ثبت أنه من صفات الله وكان للجبر الذي بمعنى العلو أصل في اللغة فلا مانع من أن نقول، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلا مانع من أن نقول إن الجبار تشمل ثلاث معان: الجبروت وجبر الكثير والعلو. والجبار من أسماء الله تعالى، وهي صفة كمال بالنسبة لله، صفة نقص بالنسبة للعبد. أي نعم. Donc le cheikh il explique ici que Al-Jabbar c'est la forme exagérée, hein, la forme, si on veut peut-être on pourrait utiliser le terme superlatif si on veut, la forme exagérée de Al-Jabr. Jabbarun, hein, c'est comme Fa'al. Fa'al, c'est toujours, ça indique toujours la forme exagérée de quelque chose. Comme par exemple, Al-Raziq, Al-Razzaq, Al-Ghafir, Al-Ghaffar, hein? Al-Fa'il, Al-Fa'al. Donc en arabe, la forme Fa'al, ça indique quand quelque chose est fait plus, hein? Beaucoup. Quelque chose qui est fait beaucoup. Donc la forme régulière, c'est la forme de Al-Fa'il, Al-Ghafir, celui qui pardonne, le pardonneur. Al-Ghaffar, celui qui pardonne énormément, hein? Il pardonne beaucoup. Al-Jabbar, c'est la forme exagérée de Al-Jabr, c'est-à-dire celui qui a beaucoup de grandeur et de force et de puissance, et ainsi de suite. Donc il ne reste pas beaucoup de temps pour la salat, donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour maintenant, puis on va expliquer la suite au prochain cours, comme ça on va pas dépasser l'heure inchallah. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.